Allô, allô. Et me revoilà. Comment vas-tu, mon ami? De retour en bonne santé. Toi aussi, tu as l'air en bonne santé. Ah oui, ça, pour être en bonne santé, nous sommes en bonne santé. Bon, attends, j'étais en train de lancer tous mes engins pour les enregistrements. Et puis, je vois que j'ai une trombine un peu cachée, là, dans le noir. Là, il faut... J'arrange ça. Ouais, je sais pas si c'est mieux, mais bon. Tu me vois? Ouais. Mais oui, là je te vois. Bon. Tu es toujours à Quiberon là? Ah, toujours à Quiberon pour l'instant. Et nous allons quitter Quiberon normalement, si tout va bien, le 3 septembre pour rejoindre l'Allemagne. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un grand moment. Parce que on n'est pas sûr. Ça serait bien si tu avais des infos de ce qui se passe à la frontière pour les petits Français. Parce que, d'après ce que j'ai vu et lu, les petits Français peuvent être un peu bloqués à la frontière, surtout s'ils viennent de la région parisienne ou s'ils viennent du Midi, la France. Oui, les fameux rouges. Ouais, les fameux rouges. Bon, alors je ne les ai pas encore vus, les rouges, mais bon, je sais que ça existe. Et donc, voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas très chaud pour y aller. Michaela, elle peut plus différer d'y passer, parce que là, on commence à avoir le fisc allemand sur le dos. Ah. Ouais, bah oui, déclaration de succession, etc., etc., quoi. Ah C'est un vaste bordel, ça. Donc, voilà, on en est là. Et toi, raconte-moi, parce qu'on est là surtout pour parler de toi. ah bon? Ouais. Hey, mais tu es bien investi aussi dans le jardin merveilleux, que je sache. Oui, mais pas Ouais, de la... disons qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont succédées durant cet été. D'accord. Beaucoup de choses familiales qui sont très très prenantes entre les antécédents, je dirais les anciens et les plus petits. Il y a de quoi être largement occupé et surtout ne pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir un peu à autre chose, quoi. C'est pas évident. Donc, comment vont tes beaux-parents? Et ben, ça continue. C'est-à-dire que ma belle-mère est toujours enfermée chez elle dans la semi-obscurité avec sa canule, son respirateur, et puis voilà. Et elle ne veut pas en sortir, disant qu'elle ne pouvant pas. Alors bon, ben, je me fais D'accord. avec. Mais... Du D'accord. coup, ben, on a sorti mon beau-père pendant 15 jours, on s'est relié. 8 jours et 8 jours, 8 jours pour nous, et puis 8 jours pris en charge par mon beau-frère et ma belle-sœur D'accord. à la campagne. Donc il a renoué un petit peu avec sa maison de campagne, mais en fait on se demande si ça signifie quelque chose, parce que il va y passer combien de temps là-bas maintenant avec sa femme qui ne bouge pas. Ça va pas être évident du tout, D'accord. sachant que la mamie en fait il faut toujours quelqu'un à côté d'elle. Avec tous les appareils qu'elle a, elle n'est pas franchement indépendante, quoi. Et alors, quand vous étiez en Bretagne ou dans le coin, là, qui s'occupait de la mamie? Alors en fait, quand on était au début juillet, en fait, c'était toujours le papy qui s'en occupait. Et puis ensuite, la deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine, on est resté auprès de la mamie, et ce sont mes beaux-frères et belles-sœurs qui ont accompagné le papy à la maison de campagne. Et deuxième semaine, c'était le contraire, c'est-à-dire mon beau-frère et ma belle-sœur restant auprès de la mamie, et nous allons rejoindre le papy à la campagne. D'accord. Et ensuite, on l'a ramené, et c'est lui qui a repris les choses en main au niveau de la mamie. D'accord. Et depuis, bah, il y est toujours. Ça Mais, doit être lourd oui. pour lui, non? Ça Et doit être alors, lourd pour comme lui. on lui a remis un peu le pied à l'étrier sur la maison de campagne, il passe son temps à téléphoner pour savoir est-ce qu'il y a ci qui a été fait, est-ce que ça a été fait, est-ce que on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc il dirige mais à distance. D'accord, mais il ne, comment dirais-je, ouais, il s'apaise pas quoi, il prend pas de repos, il est toujours sur le qui-vive. Ouais. Bon. Donc en fait, la question qui se pose, c'est, on se demande si c'est pas lui qui va en avoir marre et partir le premier par rapport à la mamie quoi. C'est possible. Il est en bonne santé lui ? Lui, il est encore en bonne santé, oui. Mais il y a des moments où il fait, il est proche de la dépression. Ouais, normal. Bon, eh ben écoute, bon courage à vous deux. Et Sylvie, comment ça va? Sylvie, ça va. Tant qu'on est ensemble, on a eu notre petit-fils pendant en garde pendant trois semaines à la maison de campagne, puis ensuite on l'a ramené. À Biscarros, donc chez ses parents qui prenaient des vacances. Voilà, donc c'est un petit rayon de soleil. D'accord. Mais c'est aussi très prenant. Ils sont hyper... lui, il est chargé en énergie. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Il a quel âge ? 2-3 ans ? 2 ans et demi, oui. Voilà. Bon, il vaut mieux qu'il soit chargé en énergie plutôt que... Bon, mais il faut domestiquer tout ça, effectivement, c'est pas simple. Non, c'est pas facile. Bon, allez, maintenant qu'on a fait la revue de... des côtés pratiques du propriétaire, on va s'occuper du jardin merveilleux. Alors, où est-ce que tu en es dans tes réflexions sur le jardin merveilleux ? Alors, sur le côté jardin merveilleux, depuis 2 mois... j'ai eu quelques échanges avec Roderick. Oui, comment va-t-il ? Voilà. Et il m'a envoyé un livre dont il était très content, mais qui est que j'ai déjà, puisque c'est « Retour vers le merveilleux » de le petit livre de poche. Alors je lui ai quand même dit que j'avais déjà depuis 6 mois, mais que ça me donnerait l'occasion de le donner à quelqu'un d'autre, sachant qu'il n'est pas facile d'accès quand même. Hein. Moi, je prends mon temps de le lire, je fais une page tous les 2 jours, tous les 3 jours même. Ouais, et il parle de quoi, ce livre ? Alors, il parle justement du merveilleux à côté duquel on passe et qu'on ne devrait pas, à côté duquel on ne devrait pas passer. À savoir que le merveilleux se situe non pas forcément dans les petits bonheurs à droite et à gauche, mais qu'il peut se construire en ayant les bons yeux au départ et en regardant les choses différemment. Donc, il prend en fait les différents aspects de la vie et en fait, il montre à travers ces différents aspects où est-ce qu'on peut mettre le pied à l'étrier vers le merveilleux. Avec à chaque fois des argumentations tirées de... soit du côté de différentes religions, de différentes tendances philosophiques, et c'est un peu ça qui charge les propos. C'est-à-dire que pour celui qui n'est pas branché philosophie, il y a des choses... tu cherches les mots, quoi. Tu cherches l'équivalent dans les mots de la vie courante, et c'est pas évident. Ouais. Et ça t'a apporté quoi, la lecture de ce petit... bouquin. Que j'ai pas fini de lire d'ailleurs. Ce que ça m'apporte, c'est un peu la même chose que quand je lis quand j'écoute tes enregistrements que tu m'as envoyés, et puis quand je lis d'autres choses de Paul Ricard par exemple. C'est facile d'accès, Paul Ricard. Pardon ? C'est facile d'accès, Paul Ricard. Oui, c'est ça. C'est même, je dirais même. Trop, très trop. Mmh. Alors, il se veut un peu la porte, je dirais plutôt le comment rendre populaire cet accès que justement Bertrand Vergély a du mal à rendre populaire justement dans ce livre. Donc, avec des mots relativement simples, mais des fois qui sont peut-être un peu simplistes. C'est ça qui... Tu parles de Paul Ricard ou de l'autre livre ? De Paul, voilà, Paul Ricard. C'est-à-dire Paul Ricard est aussi dans la recherche du merveilleux, mais de façon très... quand tu dis... je vais faire une image par rapport à Michel-Ange. Je dirais que Paul Ricard est dans le doigt, alors que Bertrand Vergély est plutôt dans le coude. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose un peu inaccessible dans le Vergély que rend peut-être accessible Paul Ricard. Mais peut-être, est-ce que c'est dans le doigt ou est-ce que c'est dans le extra-doigt, j'ai l'impression que c'est un peu trop... comment dire ça j'aime pas dire baba cool. Tu connais le bouddhisme ? Tu t'es intéressé ? Non, là j'ai pas le. Parce que c'est une belle porte d'entrée hein, pour aller vers le merveilleux. Oui, c'est sûr. Je dirais que je ne suis pas rentré dedans, mais à chaque fois qu'on en parle, il y a des citations, des choses comme ça qui disent que il y en a quand même qui se sont penchés là-dessus. Comme je me suis penché aussi du côté de l'islam, puisque là j'avais eu une personne pour m'expliquer un peu la chose et pour m'expliquer aussi le pourquoi de cette violence et cette mauvaise interprétation qui donne cette violence permanente dans l'islam. Quoi. Et oui, on se trompe de djihad. Oui. Ce djihad qui est la quête de soi-même vis-à-vis de soi-même et non pas la quête des autres à travers la violence. Mais si tu veux, la difficulté, c'est que les musulmans décodent au premier degré leur Coran. Oui. Et alors que il faut peut-être un petit peu réfléchir, un petit peu voir que les choses sont pas aussi simplistes que ça et que Mahomet a voulu laisser un message de paix et d'amour et ce ne sont que les hommes à travers leur discorde qui ont amplifié tout ça pour les rendre méchants, et c'est pas vrai, ils sont pas méchants. Mais on a le même, je dirais qu'on a le même, la même approche qui a eu lieu au niveau de la chrétienté, hein, puisque les guerres de religion, la conquête de Jérusalem, la violence est tout le temps là, quoi. Il y a toujours cette première interprétation mauvaise. Interprétation. De ce côté-là, j'ai un petit ressentiment vis-à-vis de l'Église. C'est qu'il y a eu... Il y a tout le temps... On est tout le temps dans le même cirque, même tout en disant qu'on veut la paix, etc. La guerre est toujours sous-jacente. Il y a toujours le jugement qui est sous-jacent. Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va se connecter autrement. Quoi. Voilà. Ouais, mais si on essayait de modifier notre point de vue. Et ce faisant, je relisais les deux, trois derniers écrits que tu m'as envoyés il y a une quinzaine de jours, avec beaucoup de difficultés quant à l'emploi du numérique qui te préoccupait beaucoup. Je pense que dans ta forme d'esprit, il faudrait peut-être que tu modifies un certain nombre de choses. Je m'explique. Tu vois souvent le côté noir des choses et la lumière t'échappe. Et il faut, à mon sens, il faudrait que tu te tournes plus volontiers vers la lumière tout en sachant que le côté obscur existe, mais laissons la lumière dominer, laissons-la nous prendre, nous envelopper et nous amener vers le merveilleux. Moi, je pense que il y a une chose qui te fait du mal. C'est ce côté obscur que tu vois toujours que tu vois souvent, pas toujours, mais souvent en beaucoup de choses. Et ce côté te pollue la vie. Il te pollue, il t'abîme. Tu te laisses abîmer par ça. Et donc, c'est peut-être changer ton regard sur les choses de la vie pour eh ben, rêver un peu et puis te dire que le côté obscur, ben, c'est pas toi qui vas l'enlever. Mais toi, par ton cheminement, tu peux amener les autres et toi-même, par conséquent, à sortir de ce marasme, de cette gangue dans laquelle tu es, mais parce que toi, nous tous sommes englués. Et je pense que y a un certain travail personnel que tu devrais faire et qui te rendrait, qui te soulagerait de beaucoup de choses. Alors, je sais pas si je me trompe, c'est quelque chose que je lisais, que je relisais avant d'allumer mon Skype, parce que je pense que ça te préoccupe beaucoup et ça te gâche un peu la vie, quoi. Alors, je vais te répondre là-dedans. Et je vais te répondre par un petit texte que j'ai conçu les 17, 18, 19 août, Ah, que j'ai envoyé à personne. d'accord. Et alors, tu vas comprendre un peu la position. Et je ferai en même temps je dirais le retour. De l'expérience que j'ai eue, qui m'a fait toujours croire en ce qui venait et à travers laquelle j'ai toujours été à un moment rembarré, alors qu'au départ j'y croyais toujours et à chaque fois j'ai refait des projets. Tu me reproches toujours de regarder sur les projets faits. Il n'empêche que j'ai toujours cru en l'avenir et c'est ça qui a fait que j'ai porté ces projets. Et aujourd'hui, je crois aussi en l'avenir et c'est ça qui fait que je porte ce projet Jardin Merveilleux. Mais je ne peux non plus ignorer toutes les baffes prises pendant les 50 dernières années, en gros, hein. Pourquoi? Parce que c'est toujours présent. Tu vas le voir à travers ce texte. Malgré mes réticences, j'ai fini par accepter de travailler pendant 3 jours à l'amélioration du système d'assainissement du voisin. Alors ça, je suis à la campagne. Le voisin qui régulièrement l'enfume de ses odeurs, débouchant dans le proche terrain de nos pères, terrain dont nous assumons la charge d'entretien depuis qu'ils ne peuvent plus le faire. Donc, le papy, la mamie. J'ai eu les pieds et les mains dans la merde, le nez dans les odeurs nauséabondes. Et aujourd'hui, le tout dans la boue et sous la pluie. Tout en sachant que celui mis en place par nos ascendants pour notre propre habitation n'était pas reluisant non plus, et que j'avais moi-même contribué il y a 30 ans à ce bricolage. Cette action m'a interpellé à plus d'un chef en regard au jardin merveilleux. Se mobiliser pour le voisin en m'attaquant à sa merde, en me sachant pas mieux que lui. Faudra-t-il des hommes et femmes propres, mais prêts à se plonger dans la fange de la société, celle du prochain, celle des pères et d'eux-mêmes dans le passé, pour sauver ce qui peut l'être sans se corrompre ni s'enliser? Voilà j'ai D'accord. terminé là-dessus. D'accord. Ouais, c'est très poétique ton affaire. Oui, ben ça, c'est le côté obscur. Si tu veux, on est un peu comme Janus. Janus aux deux visages. Janus tout empreinte de bonté et d'amour. Et puis le Janus qui comment dirais-je, qui obscurise, qui est très obscurantiste et qui, dans son deuxième visage, eh bien, vient tout abîmer. Bon, eh bien, on est à la frontière entre tout ça. En franc-maçonnerie, je fais une référence là parce que ça me paraît intéressant. Quand tu rentres dans un temple maçonnique, tu t'aperçois que tu as un pavé noir et un pavé blanc, et c'est ce damier sur lequel tu vas devoir te promener. Et tu t'aperçois là que ta position à toi, elle n'est pas sur le blanc, elle n'est pas sur le noir, elle est sur le liseré entre les deux. Et c'est cet équilibre-là qui fait que tu te retrouves dans une position, oui, un peu d'équilibriste, qui est compliquée, mais par laquelle tu dois passer, parce que si tu ne passes pas par là, eh bien, le merveilleux, eh bien, ne t'appartient pas. Et je pense que c'est notre rôle à nous, humains, eh bien, de se transcender pour, à travers le merveilleux, eh bien, grimper marche par marche vers le divin et nous permettre, eh bien, de nous dépasser, de nous sortir de notre gang, de cette merde que tu évoquais tout à l'heure, et de la faire sienne, parce que elle est, il faut pas la rejeter, elle nous appartient, et on est avec ça, quoi, depuis le départ, on est avec ça, mais faisons la nôtre, et faisons en sorte que ces excréments, eh bien, nous permettent de nous révéler et de mieux nous comprendre et par là même de comprendre les autres. Voilà, à mon sens, un bon cheminement qui peut, de cette gangue dont il faut que tu sortes, quoi. Hein? Et c'est intéressant, ce vécu un peu de fausse sceptique. Sur le terrain du papy, mais bon, on est tous passés par là, quoi. Bon, on est tous passés par là. Mais il faut faire en sorte que bien, cette fosse soit là pour nous soulager et faire en sorte que, bah, une fois soulagé, eh bien, on puisse monter une marche et puis ainsi de suite. Non, tu Oui, penses? c'est ça. Tout est, en fait, tout doit être objet pour bâtir, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, pierre par pierre. C'est ça. Pierre par Alors, pierre. tu vois, Mais quand tu tu mets les disais plus la solides, merde. mais tu mets les plus solides au premier niveau, au niveau de la terre. Oui. Parce que plus tu vas grimper, moins tes pierres vont, plus les pierres vont s'alléger et de ce fait vont rendre ta construction performante. Il y a un. Je veux te rendre la parole, mais je voulais juste finir sur quelque chose là, auquel je viens de penser. L'homme est là pour alléger la matière. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que cette matière-là, il va falloir qu'on l'épouse, il va falloir qu'on la travaille et on va devoir alléger toute cette partie de nous-mêmes en même temps. Et tu vois, marchand de matériaux, j'ai toujours pensé à ça, ça m'a toujours bouleversé, de voir que tous les matériaux que l'on mettait sur le marché étaient toujours de plus en plus légers et de plus en plus performants. Donc, l'homme doit alléger la matière. Voilà, excuse-moi, je t'ai pris ton temps de parole. Non, il n'y a pas de temps de parole Si, prédéfini. mais tu avais quelque chose à dire. Alors, c'est pas facile Non, c'est bien. Ton affaire, on revient sur les notions de matériaux dont on avait déjà débattu un peu là-dessus, notamment vis-à-vis de la Terre, ou de la symbolique de la Terre et tout ça. Ouais. Et là, en fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure, la mer nous appartient, on est avec ça. On est avec ça, c'est-à-dire... avec l'air. Et c'est NAIT et EST aussi. Oui, si tu veux. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on est avec ça, et donc il va falloir s'arranger pour... Et c'est vrai que je retrouve le... On est en train de... On était dans la phase de... pour le petit-fils, justement, du moment où il doit devenir propre. J'y pensais à l'instant. Ça, ouais. Ça tombe bien. J'y pensais à l'instant. C'est... Et par ailleurs, d'un autre côté, et j'en avais discuté avec Sylvie là-dessus, elle me disait, mais les hommes n'aiment pas les gens parfaits. Et le Christ crucifié en est un exemple. Mais les gens qui sont trop loin devant, en fait, on les aime pas. Ceux qui sont trop... Ou alors ils sont jalousés. Et est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut passer? Ou est-ce qu'il faut monter avec tout le monde, avec sa merde? Alors, il y a une chose qui me revient. C'est de la musique qu'on entend chez toi, ou c'est chez moi? Attends, j'enlève. Ah oui, oui, oui. C'est chez toi? Il y en a chez moi, oui. Ah, d'accord. Henri de Monterland disait dans une de ses pièces de théâtre, qui devait s'appeler, je pense, Le Maître de Santiago, Henri de Monterland faisait dire à un de ses personnages, je n'admets que la perfection. Je n'admets que la perfection. Moi, quand j'ai entendu ça, je devais avoir 12 ans, 13 ans, 15 ans, je ne sais plus. Ça m'avait vraiment frappé. Et puis la preuve, c'est que ça me... À 70 et quelques balais, ça me poursuit encore. Je n'admets que la perfection. On voit jusqu'à quel niveau l'homme est capable d'ensemencer la terre de façon à la sublimer et de façon à l'amener au merveilleux. On tourne toujours autour du pot, mais pardonne-moi, mais il est là. À mon sens, le merveilleux. Et ce merveilleux n'est que dans la perfection. C'est une façon de rencontrer Dieu, quoi. Et pour rencontrer Dieu, eh bien, il faut s'être dépouillé de toute cette enveloppe charnelle qui nous plombe. Qui nous plombe. C'est la merde dont tu parlais tout à l'heure. Et je pense que notre travail d'humain, c'est de se départir de cette gangue, de cette enveloppe charnelle qui nous plombe la vie. C'est marrant. Attends. C'est bien cette discussion, j'aime beaucoup. Enfin, depuis 2006, j'ai l'impression de n'aspirer qu'à rencontrer Dieu. En gros, c'est ça. C'est qu'à le rejoindre, à rejoindre nos pères et tout ça là-dedans. Et que dans cette marche qui est peut-être un peu pressée, parce que l'émerveillement, je le sens qu'il est là-bas, il est incontournable comme étant là-bas. J'ai depuis, en fait, à me remonter les manches pour que ne pas être le seul à rechercher ça. Mais en même temps, ce n'est pas en fait une volonté de... ça n'a rien à voir avec une volonté de suicide. C'est de dire... que l'enveloppe charnelle, elle est là, que j'ai affaire avec, et qu'en ayant affaire avec, je me rends plus accessible à tout le monde que si je ne l'avais pas. Tout simplement parce que c'est un peu, je pense, l'idée aussi qui est dans Jésus, je dirais, en gros, Dieu sur terre, quoi. À la fois homme et à la fois Dieu. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire, tant qu'il n'a pas souffert en même temps, qu'il n'a pas souffert comme nous, ben, c'est trop loin, c'est trop parfait, on ne touche rien. C'est un peu l'espace entre le doigt de Dieu et le doigt de Adam, là. Est-ce que j'ai bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure? J'aspire à retrouver mon père. Au tout début, oui. Tu as bien dit ça. Oui. D'accord. Okay. Père avec un grand B. Ah, avec un grand ou un petit ou les deux? Un grand. Bah, y a les deux, parce que mon père, papa, en fait, était sur ce chemin-là aussi. Bon, il a rejoint son père avec un grand B. Ben moi, je me dis que, en fait, je ne crains, en fait, si je ne crains rien actuellement au niveau sur la Terre, c'est parce que justement, j'aspire à retrouver ce Père avec un grand P. D'accord. Et que donc, on ne m'enlèvera rien si on m'ôte la vie, quoi, en gros. D'accord. C'est intéressant de dire que dans ta fusion, dans ta recherche de fusion avec un Père, avec un grand P spirituel, passe par les hommes. Mmh. Et donc, quand tu parles des hommes, tu parles de leur enveloppe charnelle. Oui. Et à partir de là, on sait que... Alors, tu as ce besoin de séduire, dans le sens noble du terme, les autres pour les amener... un peu en forme de prophète, parce que je te relisais, tu étais vraiment très prophétique dans ta démarche, en forme de prophète pour amener tout ce petit monde à bon port dans le merveilleux. C'est bien ça, je crois. Oui, et en même temps, je ne maîtrise rien dans ce que tu appelles les ouailles. oui, alors c'est là où je... Ce que je viens de te dire à l'instant, on est bien d'accord là-dessus, et ça fait partie de ton cheminement. Maintenant, parlons des ouailles. C'est toi qui cherches à aller à leur rencontre. Et c'est des rencontres fortuites qui vont durer très très peu de temps, et tu vas devoir rentrer dans un processus de séduction pour donner envie à quelques-unes de ces ouailles de te rejoindre dans le jardin merveilleux. J'ai bien décodé la chose, hein ? On est d'accord là-dessus ? Oui, en partie, pas complètement, parce qu'en fait, je ne sais pas quel est le... Je ne sais pas quel est, en gros, le plan de Dieu pour chacune d'elles. Donc, quand tu dis rencontre fortuite, oui, ça c'est clair. Et encore, je me pose la question... Est-ce qu'elles sont vraiment fortuites? Courtes, la longueur de ces rencontres ou de ce cheminement, je ne la maîtrise pas. Elle est là. Il y en a qui, à un moment, s'en vont. Mais en fait, je m'aperçois que lorsqu'elle revient, elles n'ont jamais été parties. Elles ne sont jamais parties. C'est ça qui est assez étonnant. Et c'est là que je me dis il y a un esprit derrière qui gère. Et cet esprit, ce n'est pas moi, puisque en fait, je le découvre. C'est ça qui est assez enthousiasmant en même temps, mais aussi incertain. Et finalement, l'incertitude, bah, je vis avec. Ouais. Mais c'est bien d'être incertain. C'est bien d'être dans le doute. Parce que c'est le doute, un peu comme l'utopie, ça nous fait avancer. Hein. Et celui qui est dans le doute... Eh bien, apprends à mettre un pied devant l'autre, c'est-à-dire à être dans un instant de déséquilibre pour faire un pas et avancer vers l'autre. Par contre, à un moment donné, pour les autres, il va falloir, me semble-t-il, que tu affiches quelques certitudes. La certitude du merveilleux, parce que bon, et tu parlais du plan divin quant aux autres, bien, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que à titre personnel, je n'ai pas trop réfléchi à ça, mais oui, bah oui, mais bon, on ne peut pas. Nobody is perfect. Par contre, je pense que le cheminement que l'on évoque là, toi et moi, eh bien, les autres aussi l'évoquent, mais pas forcément de la même façon, pas forcément sur les mêmes bases, pas de façon aussi élitiste telle que la discussion que l'on a, qui quand même est à un certain niveau d'élévation et d'élévation vers le partage et la communauté dans le Christ, pour reprendre ce que tu viens de dire. Hein. Mais je ne suis pas sûr, encore une fois, ça a toujours été quelque chose qui nous a départis, toi de moi et moi de toi, je ne suis pas sûr que il faille aborder les autres sous cet angle-là, si tu veux. Parce que tu vas leur faire peur. Et tu n'as pas assez de temps, si tu veux, pour t'expliquer. Regarde un petit peu le temps qu'on a passé ensemble. Et c'est pour ça que je suis content de l'enregistrer, même si les enregistrements ne sont pas bons, parce que ça me donnera des choses intéressantes à réécouter, et puis toi aussi, si tu veux. Je reviens aux autres. Il faut absolument, me semble-t-il, hein, encore une fois, que tu trouves ce fil directeur avec lequel tu vas séduire l'autre pour l'amener à franchir le merveilleux. Je te rappelle que pour l'instant, nous avons fait un pas dans le merveilleux, mais on n'a pas été bien loin. Hein. Oui, c'est-à-dire que dans le dernier truc que je t'avais envoyé, je te disais que en fait, je me sentais pas le porteur du projet, mais l'intercesseur. Tu es en position. L'intercesseur. Voilà. Ouais, mais à un moment donné, si tu veux. Quand tu es avec les autres, il faut leur parler de façon à ce qu'ils comprennent. Et si tu te positionnes en position d'intercesseur, ils risquent pas forcément d'aller dans ton sens, quoi. Voilà. Alors, tu vois, je prends l'exemple. Un exemple qui me vient à l'esprit, le coronavirus. Ouais. Comment, supposons que ça soit une action de Dieu. Supposons quoi ? Que ça soit finalement un signe, un signe divin. Mais c'en est un. Mais c'en est un. Comment, oui, et comment les hommes l'interprètent-ils actuellement ? On entend encore plein de trucs, beaucoup de bavardages. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas, ils en ont peur. Quand tu connais, tu as moins peur. Bon, ça ne veut pas dire que tu es à l'aise, mais quand tu te sens en sécurité chez toi, etc., bon, bah, tu as moins peur. Et de cette expérience divine, si tu veux. Que Dieu t'a proposé, prends-la au pied de la lettre, prends-la comme une expérience et sache la maîtriser et sache prendre le dessus. Non ? Ah Ah oui, mais je dirais que moi, c'est une chose qui ne m'inquiète pas. On a des sens, on a les oreilles et les oreilles pour entendre, les yeux pour voir. Et on voit que, en fait, ce qui est mis en avant, notamment par les médias, alors ça, les médias, bravo, c'est pas du tout cet aspect-là. Cet aspect de non pas réfléchir sur les petites choses qui pourraient changer un tout petit peu notre vie, mais de dire quel est le sens, en gros. Et le sens des choses, y a plus beaucoup de monde qui en parle actuellement. On est plutôt dans gérer la crise, dans comment je vais faire pour vivre demain, le fric, le reconfinement là, qui se redessine pour certains endroits. Alors, qu'est-ce que tu aimerais, toi ? Qu'est-ce que tu aimerais que les médias fassent ? Qu'est-ce que, ou les médias, ou tes congénères, quelles que soient leurs prérogatives, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent ? Bonne question. Que je note, parce que ça va me faire bien réfléchir. Parce que tu ne peux pas dire, voilà, les médias, ils pensent comme ci, ils voient comme ça, beaucoup de bêtises, etc. Et en contrepartie, tu peux t'attendre à ce qu'on te dise, oui, mais bon, et toi, et vous, comment vous voyez les choses ? Moi, à mon sens, si tu veux, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça. On n'en a pas fini. Apprendre à vivre et à maîtriser ses pulsions, à maîtriser son entendement, à regarder, à faire le tri entre ce qui peut être bon ou pas pour nos congénères, et voir un petit peu comment ce corona peut rendre service à nos congénères. Là, moi, je suis très perplexe. Je t'avais parlé déjà un petit peu du côté très éclectique et très 360 degrés de tous les milieux sociaux, des personnes qui ont répondu au Jardin Merveilleux. Éventail que j'avais aussi dans le cadre de mes élèves, qu'on retrouve aussi dans... Lorsque tu t'occupes à la fois des livres d'élèves de collège et de lycée et d'enseignement supérieur, à savoir qu'il y a des personnes qui ne vivent qu'avec 200-250 mots au maximum, et que d'autres, avec lesquels tu peux discuter avec des mots un peu plus adaptés et précis. Là, je discute avec toi, mais je ne peux pas discuter de la même façon avec, par exemple, Sylvie Dujardin. Bon, ça n'a rien à voir. On navigue, il y a des personnes, en fait, qui sont sujettes à ce qui tombe à la télé ou à la radio, et il n'y a que ça qui compte. Ouais. Et là, c'est pas évident du tout. On s'en était aperçu avec Sylvie, lorsqu'on était beaucoup plus jeune, on est rentré dans une communauté chrétienne et ils faisaient des partages, des dîners de partage, 4-4, 4 couples, donc, avec des milieux sociaux très, très différents. Il y a des dîners de partage, on avait énormément de mal à discuter. On ne pouvait discuter que séries télévisées ou cylindrées de voiture, quoi. Ça, c'est pas évident du tout. Et pourtant, ce sont aussi des gens qui aspirent au merveilleux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait au milieu de tout ça, l'intercesseur ? Eh ben, c'est pas facile. C'est pour ça que, à mon sens, il faut définir un point zéro. Par exemple, Madame Dujardin ou quelqu'un encore peut-être de plus de plus terre à terre, Et puis, définir un objectif, hein, on va de 0 à 10, à 20, à 30, à 100, à l'infini, quoi. Hein, de 0 à l'infini. Et au milieu de tout ça, tu crées un parcours, et ce parcours, eh bien, il est chiffré par la faculté qu'ont les intéressés à décoder le message divin, et dont tu es l'intercesseur. Lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Mais, démarche intéressante. Alors, je pense qu'il faut partir du ras des pâquerettes, et puis remonter. Mais tu dois tirer à toi toutes tes ouailles. Mmh. Parce que si t'en laisses sur le bord du chemin, eh ben tu vas les perdre. Et pour tirer à soi toutes ses ouailles, il faut être immédiatement compris. Et par le plus humble, par la plus humble de tes ouailles, comme le plus capé de tes ouailles. Donc, il y a, à mon sens, un fil directeur, et je pense que le jardin merveilleux est, dans sa symbolique, un bon escalier pour aller étape par étape, step by step, vers ce merveilleux. Il faut... J'en suis sûr, oui. Hein ? Bon. J'en suis sûr. Voilà, mais il faut que tu les prennes les uns derrière les autres. Mmh. Et que tu leur donnes le moyen de se reconnaître dans ce jardin, qu'elles soient à l'aise. Tu m'interpelles sur une chose que j'ai aussi, que j'ai un peu méditée, et qui me fait dire, qui me rappelle un texte, plutôt une prédication d'un pasteur qui était passé il y a 40 ans, et qui avait osé dire ce que les évangélistes ne supportent pas, d'ailleurs, osé dire que... il y avait un premier testament, un deuxième testament, et que il y avait une suite derrière. Bien sûr. Et que donc, le reste était à écrire, et que c'était à nous de l'écrire. Là-dedans, c'est ce genre de langage qui est inacceptable pour les musulmans. Le Coran, en fait, il est tombé comme ça sur la table, et puis on le prend. Pour les évangélistes, il ne sera pas ajouté un iota à ce qui a été écrit. Quand on sait comment ça a été décidé, on peut se poser des questions, mais pour certains, c'est très arrêté. Et le problème, c'est que j'ai pas mal d'évangélistes dans ma, dans ma famille. Hein. Ouais. Et ce gars qui avait dit ça, c'est un peu ça. Moi, quand je regarde un peu le jardin merveilleux, je le sens comme... Tu le sens comme une page à écrire ? Je le sens comme une chose à écrire, c'est une étape de Dieu supplémentaire, Dieu que l'on connaît dans l'Ancien Testament, Dieu qu'on connaît dans l'Ancien Testament comme étant quand même assez violent, je dirais, vengeur, jaloux, c'est un Dieu jaloux, vengeur. Enfin bref, il y a tout dedans, et tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, ne l'étant plus, mais... en voyant son fils, parce qu'il fallait passer par la souffrance, mais que ce fils n'est pas toujours compris au point même qu'il en passe à la croix, et que, dans les paraboles, il y a cette fameuse parabole du semeur, avec le grain qui tombe dans la bonne terre, et puis pas mal de grains qui tombent à côté, dans les ronces, qui n'est pas arrosé, sur le bord du chemin, etc. Ça veut dire qu'il y a quand même, dans cette étape-là, du Second Testament, il y a des gens qui sont laissés sur le côté. Et alors que le message s'adresse à tous. Et le jardin merveilleux, en fait, me fait penser que là, il n'y a personne qui doit être laissé sur le côté. C'est une espèce d'étape supplémentaire, une espèce de compréhension. Ça me fait penser à la parole du général de Gaulle, « Français, je vous ai compris. » Bon, dire « Ah, ça marche pas. J'ai envoyé mon fils, et malgré tout, on part encore à volo. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour sauver ma créature humaine? Bon, alors, je reprends un peu ce que tu as dit. Une Bible avec un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament, et ce que tu n'as pas dit, un Dieu amour dans le Nouveau Testament. Peut-être que tu l'as présenté, oui. Je pense que ce Dieu amour, eh bien, c'est à nous à le décoder, c'est à nous à le comprendre. C'est un exemple formidable du Père qui va donner son Fils, qui va offrir son Fils au sacrifice pour la rédemption de l'humanité. Bon. Ça, qui est capable, sans y avoir réfléchi, de prendre ça pour argent comptant, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il y a une autre chose qui est extrêmement compliquée, je suis en train de chercher le nom. Quand, dans la religion catholique, tu donnes le sang, le pain et le sang à tes ouailles, par le biais de la communion, et tu vas, à travers ce geste-là, créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire ce mystère de la transsubstantiation. C'est-à-dire que tu vas amener l'homme à se transcender à travers une substance pour rejoindre le divin. Tu vois un peu la démarche ? Bon. Et là-dessus, tu prends ton prédicateur qui te parle d'un troisième monde, celui qui est à écrire, bien sûr, c'est le nôtre. Hein ? Et ce troisième monde, eh bien, pour l'écrire, il faut quand même avoir quelques bases. Ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Et ces bases, eh bien, c'est le cheminement vers le merveilleux. Sachant que le merveilleux est le livre, le troisième livre abouti cette fois-ci. Mais on peut prendre les choses un peu différemment. Je te parlais du bouddhisme tout à l'heure, où on peut avoir sortir des religions du livre pour laisser cheminer la métapsychose. Tu connais un petit peu la métapsychose ? Non. La métapsychose, c'est la capacité qu'a, selon les bouddhistes, de permettre à l'humain de devenir un animal, de devenir une pierre, de se transformer, si tu veux. Et cette transformation, plus la vie aura été bonne dans le sens religieux du terme, même s'il n'y a pas de religion dans le bouddhisme, plus la vie aura été sainte, voilà, de ce moine bouddhiste, plus sa métapsychose va lui permettre un renouvellement qui lui sera favorable. Tu sais, c'est un petit peu, quand tu regardes l'histoire du Dalai Lama, le Dalai Lama, eh bien, celui que l'on connaît, là, va mourir, et ensuite, les grands prêtres bouddhistes vont partir à la recherche de son âme, qu'ils vont retrouver chez un petit enfant qui vient de naître. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Oui, oui. Bon. C'est formidable, ça. C'est formidable de mourir en état de sainteté laïque pour renaître dans un petit temple, dans un petit dôme qui va tout apprendre, mais qui aura été choisi. Il aura été choisi. Et ça me laisse... Ça permet de bien réfléchir à plein de choses. Voilà la métapsychose, cette métapsychose qui existe depuis bien avant le bouddhisme. Hein, les Grecs t'en parlaient déjà. Les Grecs en parlaient déjà. Et c'est des choses très intéressantes. C'est des choses très intéressantes. Et c'est des choix, c'est des voies qui peuvent t'amener vers cette sainteté laïque. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours interpellé. Ces grands sages qui vont vers la sainteté. Voilà. Bon. Et la religion peut être un vecteur qui accompagne tout ça, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Les juifs appellent ces saints laïcs les kadosh. Ces kadosh-là, Maïmonide, grand prêtre juif et grand philosophe et grand médecin, a beaucoup travaillé et écrit sur ces kadosh qui se révèlent à travers la compréhension de la Kabbale. T'es intéressé déjà à la Kabbale? Là, j'ai passé à travers le Bertrand de Vergely, justement, qui parle de Kabbale. Donc, j'ai commencé à regarder un peu de quoi il s'agissait. Oui. Eh bien, la Kabbale, c'est ni plus ni moins que des étapes entre le monde, entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'esprit. C'est cette faculté que tu as d'aller étape par étape pour quitter cette gangue matérielle qui te plombe, qui t'abîme, pour aller vers l'esprit et vers le divin. Les juifs ont beaucoup travaillé ces questions-là. À travers ce qu'ils appellent un arbre séphirotique. Est-ce que ça te dit quelque chose, l'arbre séphirotique? J'ai aussi vu ce terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. C'est pour ça que j'avance pas beaucoup dans ce bouquin. Ouais. J'avance très très lentement parce qu'il y a énormément de choses qui sont pas de ma culture. Alors justement, note ça dans un coin, l'arbre séphirotique, pour t'intéresser à ça parce que c'est ton jardin. C'est exactement la même chose. C'est ton jardin qui va permettre à l'homme de séphirote en séphirote, eh bien, de rejoindre Dieu. Traverser les noms de Dieu. Tu les connais, les noms de Dieu. Tu les as appris, ceux-là. Rien, oui. Hein? Même s'il y en a qui ne sont pas prononçables, normalement. Et surtout... pas prononçable. Et pour cause. Ben oui. Ça aussi, ça fait partie du truc, quoi. C'est pas prononçable. C'est un peu... Tu sais, ça m'a fait penser, puisque je regardais un très joli reportage sur Sainte-Sophie, que notre président turc Erdogan veut transformer de musée en mosquée. Tu l'as vu, ça? Oui, oui, ouais. Tout à fait. Et avec tout ce que ça comporte, si tu veux. Et tu t'aperçois que Sainte-Sophie, ça recèle des trésors et des joyaux formidables, à travers les siècles, et que Sainte-Sophie, qui est née chrétienne, est morte avant de devenir musée, est morte en mosquée, et maintenant va renaître en mosquée. Et à chaque fois, Dieu disparaît, parce que les musulmans ne veulent pas lui donner de visage, de représentativité. Un peu comme les juifs qui ne veulent pas nommer Dieu. Voilà, tout ça c'est la même chose. Toutes ces traditions, toutes ces histoires se croisent. Et je pense qu'il faut, sans les connaître, sans les approfondir, mais il faut avoir un petit vernis de tout ça pour comprendre que nous, au milieu de tout ça, on est des cherchants. Et qu'à un moment donné, faut se donner les moyens de trouver. Et c'est pour ça que j'étais ravi de te rencontrer, parce que tu m'as donné un autre axe de recherche à travers ce merveilleux. Alors qu'il y en a plein d'autres. C'est ça. C'est bien ça. C'est-à-dire que moi, en regardant un petit peu tout ce qui a été fait, quand tu me parles de Kabbale, oui, ça me parle, d'arbres séphirotiques, oui, j'ai entendu aussi. J'ai l'impression que, en fait, je peux avaler toute cette culture, mais qui va me montrer qu'il y a eu des recherches, qu'il y a des choses qui ont été faites, mais que c'est pas forcément ça qui va sortir à travers le jardin merveilleux. Mais que ça montre qu'il y en a qui ont cherché ce jardin merveilleux, qui l'ont cherché, ce parcours. Et c'est là que j'arrive à retrouver et à monter des marches. Dire, tiens, un tel au XVe siècle, il a fait ça, ça, ça. Et en même temps, sans revenir à ce que tu disais, de voir toujours le côté noir des choses, c'est pas le côté noir des choses, c'est de dire, mais la richesse de ce qui s'est passé auparavant est énorme. Comment on est arrivé à cette société techno-économique qui, finalement, on a l'impression qu'elle ne reconnaît rien du tout, à part l'or, d'où la légende du Rhin et de l'or et de... Voilà. Est-ce qu'on est condamné à ça ? C'est quand même bizarre. Non, on n'est pas condamné à ça. Alors, je ne partage pas tout à fait ce que tu viens de dire. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on cause. Oui, il y a eu des cherchants. Oui, certains ont commencé à caresser le divin. Comme Adam. Ils ont commencé à le caresser, à l'effleurer, sans arriver à l'épouser. Il y a de multiples pistes, mais le jardin merveilleux n'est qu'une piste parmi toutes ces pistes. Et à mon sens, si on a la chance de rediscuter dans 15-20 ans, on va s'apercevoir que on aura fait des petits progrès, on sera un peu moins couillon le lendemain que la veille, mais est-ce qu'on aura trouvé Dieu ? Je pense qu'on l'aura effleuré, comme à chaque fois. Je pense que, oui, on l'effleure, mais on ne peut le partager que, et c'est peut-être ça qui t'interpelle, toi, dans ta démarche prophétique, c'est-à-dire que il faut être à plusieurs pour le comprendre. Ou est-ce que c'est un parcours individuel ? Moi, je pense plutôt à un parcours individuel qui devient merveilleux en collectif. C'est comme un match de foot, quoi. C'est comme un match de foot. Si il n'y a pas une communion dans l'équipe, l'équipe ne gagne pas. Voilà, c'est pareil. Et le jardin merveilleux, ça va être la même chose. Et on retombe sur l'égrégore. Et on retombe sur le Grégoire. Je te le fais pas dire. Je suis ravi. Je suis ravi que tu aies fait tiens cette. Bon, mais c'est intéressant ça aussi les Grégoires. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes processus qui font que on va partager ensemble nos petites connaissances pour les faire plus grandes et les faire se transcender à plusieurs. Non ? C'est pas ça ? Oui, oui. Ah oui, ça c'est clair. C'est, le terme qui m'interpelle, c'est le côté connaissance. Mais c'est vrai que la connaissance, c'est le terme adéquat, le terme utilisé au niveau des... je dirais, de toutes ces démarches éthiques et religieuses, et toujours cette question de la connaissance. Connaissance du bien et du mal, connaissance... Oui. Et en fait, la connaissance... je vais noter le terme pour revenir dessus, parce que c'est... Ça, c'est un terme qui m'interpelle là. Cette question de connaissance. Connais-toi toi-même, connais... Connaissance. La naissance avec. Avec quoi ? Connaissance. Mais la connaissance, si tu veux, c'est un des attributs de l'homme qui a besoin de partager, qui a besoin de partager, l'homme a besoin de partager, alors que il a besoin de partager pour exister. D'abord, c'est vrai, quoi, on n'existe pas tout seul, on n'existe qu'à travers les autres. C'est les autres qui te font grandir, c'est les autres qui te font exister, c'est les autres qui te donne vie. C'est l'environnement. Je parle pas de l'environnement nature uniquement. C'est en fait, c'est là. Les scientifiques diraient, ce sont les limites. C'est le frottement aux limites qui fait que l'intérieur évolue ou que les résultats ne sont pas forcément ceux que l'on a pensé au départ dans le modèle. Mais c'est vrai que cette question de la connaissance, on la retrouve aussi au niveau des Égyptiens, on la retrouve... Partout. C'est toujours ça, partout, partout. Partout, partout, partout. Mais tu parlais des Égyptiens. À la différence de nous, la connaissance, elle était réservée en Égypte à une élite, aux grands prêtres. Oui, aux initiés. Aux initiés, hein, d'accord. C'est toujours un peu le cas, hein. C'est toujours un peu le cas. La connaissance telle que tu l'as définie un petit peu toi-même, c'est le fruit d'une initiation. Les Égyptiens, eux, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que tous les temples étaient entourés de grands murs. Dans ces temples, pas grand monde, à part les grands prêtres, pénétrait. À part le pharaon, une fois ou deux par an, rentrait et pénétrait dans ses temples. Donc, c'était réservé à une élite, c'était... Alors, la connaissance... Est-ce que le mot connaissance se rapproche de ça ? Connaissance ? Naître avec ? Bah, il faut du monde, hein, quand même, pour ça. Moi, je sais pas. Je ne sais pas, j'aurais pas fait ce rapprochement-là, tout en pensant bien que ces Égyptiens avaient quand même, autrement que nous, des couilles. Si tu veux, pardonne la vulgarité du propos, mais quand tu voyais que le pharaon était responsable devant les dieux du... bien-être de ses concitoyens. Quand tu voyais que le pharaon, quand la crue n'arrivait pas, eh ben, remontait les sources du Nil pour voir pourquoi le Nil coulait plus. Tu te rends compte? Un petit peu de cette empathie qu'il fallait entre le pharaon qui était comptable de son peuple, des agissements de son peuple devant les dieux, et les dieux devant le peuple. C'était un intercesseur, lui aussi. Et quand les choses n'allaient pas, eh ben, il remontait aux sources pour trouver les raisons pour lesquelles ça n'allait pas. Tu vois un homme politique aujourd'hui, quand ça ne va pas, tout abandonner et partir avec un équipage et remonter vers le lieu de la connaissance pour voir pourquoi elle ne marche plus. Mais c'est bien justement la question que je me pose. Comment on est arrivé là? On est arrivé là par abandon de la pureté originelle. On est arrivé là parce qu'on s'est pollué progressivement. On est arrivé là parce qu'on s'est laissé envelopper par la matière. Tu parlais du numérique tout à l'heure. Eh bien, tu peux estimer ça et rapprocher ce numérique de la matière et de ce qui nous environne aujourd'hui et de quoi on ne peut pas se départir. C'est ça qui nous plombe. Réfléchissons un petit peu, prenons un peu de hauteur et tout de suite on se sent mieux. Oui. Comment est-on arrivé là? C'est un des termes de... c'est qui ça? C'est Vincent Lindon dans son appel au mois de mars. Comment en est-on arrivé là? Ouais. C'est intéressant son appel. C'est intéressant. Mais bon, ça n'a pas répondu à toutes les questions. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est puisque on a Saint-Goustan pas loin, c'est la capacité que l'homme va avoir à remonter vers le golfe. C'est ce cheminement qui va lui permettre de retrouver la haute mer. Et à travers la haute mer, la pureté, à travers la haute mer, la vraie vie, quoi, que les hommes ont pollué. C'est intéressant ça, mais bon, c'est pas tout à fait, à titre personnel, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Je préfère donner un petit peu plus d'élévation philosophique aux choses. Oui, mais c'est vrai que quand tu parles de la vraie vie, ouais. Le terme a été repris au niveau commercial. Hein. Ouais. Et c'est vrai que quand tu y a des propos, comme tu dis, quand tu tiens ce type de propos, alors soit tu passes pour un illuminé, soit tu... On t'écoute que de façon passagère. En fait, c'est comment on est arrivé. En est-on arrivé là? Là, je me pose la question parce que, en même temps que je construis le projet, je le construis aussi sous sa forme dossier européen, c'est-à-dire avec les tenants, les aboutissants, les trucs comme ça. Et il y a des choses dont tu ne peux absolument pas parler en l'état actuel. Tu ne peux même pas les écrire. C'est inconcevable, c'est irrecevable. Tu parles de quoi, là? Tu peux donner un exemple? Là, tu parlais... Ce qui m'a fait penser, c'était la vraie vie. Tu peux pas parler... On peut pas mettre des trucs comme ça dans un dossier. Dès que tu commences à parler de transcender, de connaissance, tu as la fibre pure laïque des jurys de projets qui te jettent comme malpropre d'entrée. Ouais, un peu comme tu dois pas parler de Dieu à l'école, quoi, en gros. Ouais, mais c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. C'est ça que tu dois être capable de dépasser, de transcender pour envelopper l'autre et lui donner envie de te rejoindre. Bien sûr qu'il y a des mots qui frappent, bien sûr qu'il y a des mots qui gênent, bien sûr, il y a tout ça. Mais quand tu as un petit auditoire autour de toi et que tu commences à lui donner envie d'aller vers le merveilleux, ben moi je peux te dire, laïque ou religieux, eh bien, ils te suivent si tu sais leur donner envie. Ben, c'est bien, je dirais, c'est exactement ça qui s'est passé lors du dernier projet. Mais je dirais que mes supérieurs hiérarchiques ne comprenaient pas pourquoi eux, quand ils faisaient la démarche, ça marchait pas, et quand moi, qui venais avec justement ces côtés vision d'un autre futur ou de quelque chose différent qu'on puisse atteindre, j'arrivais à débloquer les fonds. Et c'est marrant comme. Enfin, c'est pas marrant du tout, je veux dire. On aura bien la parabole du semeur, quoi. Il y a Ouais, mais. des terres, il y a des terres qui sont prêtes à recevoir la semence et qui vont être fertiles, puis il y en a d'autres pas du tout, quoi. Mais c'est à toi à creuser le sillon. C'est à toi à creuser le sillon pour accueillir la graine. Tant que tu laisses ton terrain en jachère, bah, il se repose. Mais c'est pas pour ça que tu vas pouvoir le cultiver. Pour le cultiver, il faut faire le sillon d'abord. Et ça m'amène à te poser une question. Dans quelques jours, tu vas devoir aller devant, j'allais dire devant tes pères, non pas forcément tes pères, mais aller devant différents auditoires. Est-ce que tu as commencé à préparer tes topos? Est-ce que tu as planché un peu là-dessus? J'ai peu planché. J'ai peu planché. J'en suis au. Non, je ne veux pas dire que j'en suis au même point parce que la vie que j'ai vécue depuis presque 2 mois maintenant m'a ouvert pas mal de visions nouvelles, mais j'ai pas eu le temps d'écrire. C'est ça qui est. Quand tu es pris par les questions de vieillesse ou je dirais l'énergie du petit qui zappe en fait toutes les 15 secondes parce qu'ils ont une attention très limitée. En fait, c'est très difficile de se pencher pendant un moment sur ça, à part pendant la sieste éventuellement, où là plutôt on souffle. Ouais. Et par contre, maintenant je suis en train de décanter tout ce qui a été vécu. Et c'est vrai que c'était une forme de décantation que je t'ai lue Ouais. tout à l'heure. C'est le cas de Dire, le ah ben dire, voilà. mais bon, propre et au figuré. Oui. Ça veut dire, voilà, c'est bien vu. Et c'est vrai que maintenant, je vais avoir un peu plus de temps. Je vais pouvoir le faire et avancer en cette matière-là. J'ai écrit d'ailleurs, à ce point de vue-là, je viens d'écrire à Kerplus. Ils vont faire leur rentrée là, probablement prochainement. Et bah, pour savoir si en fait ça va les intéresser, le nouveau directeur étant arrivé, est-ce que ça va les concerner? Est-ce qu'ils vont s'investir dedans? On va le savoir sous peu, je dirais. D'accord. À propos de Kerplouse, oui, effectivement, l'association dont je te donnais les coordonnées d'horticulture, effectivement, doit être domiciliée à Kerplouse, mais ce n'est pas pour ça que les enseignants et les papis de cette association, qui est somme toute assez dynamique, moi je les avais rencontrés. Bon, je ne suis pas un grand amateur de tout ce qui est horticulture, mais bon, on a affaire à des gens qui sont motivés pour faire avancer leur démarche. Mais c'est pas sûr que ça passe par les enseignants, ça. C'est pas sûr. À mon Oui, sens, je vais les contacter. ouais, à mon sens, il faut dédoubler, quoi. Oui, Enseignants oui. d'un côté et l'association. Parce que je pense que cette association-là, je pense qu'ils sont à bon niveau. Bon, je ne suis pas un connaisseur, moi, mais bon. Je pense qu'ils sont à bon niveau. Chaque année, ils font une ou deux rencontres horticoles où ils mettent des produits en vente devant le château de Kerplouse. Tu as déjà Oui, été à ce château? Oui. Et là, devant ce joli espace, eh ben, ils ramènent des tas de gens intéressants qui font des bons produits. À mon sens, voilà, je pense que ça peut être un bon vecteur pour toi. Et puis, des gens, quand même, dans l'horticulture, ben, ils peuvent, au moins dans la matérialité, contribuer au merveilleux. Bon, le chemin spirituel n'est peut-être pas là, mais bon, je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, donc Alors, je vais le faire aussi. Ouais. D'accord. Bon, j'avais fait déjà. Bon, j'ai prévu le 13 après-midi, donc une intervention sur le site. Oui, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est bien. Voilà. Et j'ai proposé à Kerplus une ou plusieurs interventions pour la semaine qui est juste derrière, c'est-à-dire du 14 au 18, 14-19. Tu restes Je pense que jusque c'est. vers le 20, toi? Je sais que le week-end suivant, on est dans le sud, on a un week-end familial. D'accord. Je sais, j'ai pas encore pris mes billets, mais je pense que ça s'oriente vers cette semaine-là. Parce que la reprise étant assez difficile, d'ailleurs, au demeurant, puisque Sylvie a commencé aujourd'hui et continue demain, avec toutes ces contraintes, bah, je vais accompagner un peu Sylvie en la matière, ce qui va me donner aussi d'autres visions et d'autres vues et points de vue de sa part. D'accord, ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Et comment elle vit tout ça, Sylvie? Bon, pour l'instant, elle est reprise dans son truc. Elle voit très bien que les choses ne sont pas simples et qu'elles ne se rétabliront pas aussi facilement que ce qui était annoncé au départ. C'est vrai que le côté émerveillant, ben, on attend quelques signes complémentaires. On en a eu beaucoup au départ et ben, je les vois. Mais elle suit ça avec beaucoup d'intérêt. Mais elle peut pas être. Elle vient de passer présidente de l'association familiale qu'on a au bord du lac Léman. Donc elle a encore des responsabilités qui viennent s'ajouter là-dessus. D'accord. Alors on va voir. Pour l'instant, il ne s'agit pas de trop charger. Oui, faut se garder un peu d'espace pour soi, c'est sûr. Attends, je vais te poser une question, ça m'échappe, ça me reviendra. Quand tu dis que tu vas dans le sud, où vas-tu dans le sud, si ce n'est pas indiscret? 7. À 7. Ah oui, c'est grand 7. sud, ça. D'accord, ok. D'accord. Et tu as de la famille à 7? Oui, en fait, chaque année, plutôt que de se retrouver à Noël, en fait, on a choisi une date au mois de septembre qui correspond en gros à la période de naissance de ma mère. Et chaque fois, c'est dans un lieu différent. Et là, cette fois-ci, ben, c'est le frère de Seth qui accueille. D'accord. La dernière fois, c'était celui de Tours, donc on était à Tours. Ça a D'accord. été aussi chez nous. Chaque année, ça change, quoi. C'est bien, c'est bien. Vous êtes combien de frères? 5. Ah oui, ça laisse un quinquennat pour, pour faire le tour. C'est bien, c'est bien. Bah oui, ça oxygène, ça. Ça oxygène. Voilà, mon ami. Bon, bah écoute, moi de mon côté, moi je te propose, bon, la semaine prochaine, a priori, je passe la frontière. D'accord. Si ce n'était pas le cas, bah, si tu veux, bah, on peut se faire une petite causette, hein, je te préviens. Ouais. Oui. Bon. Est-ce que vous serez rentré pour le 13 ou pas? Ah non, non, non. Non. Non, non. D'accord. Non, non, non, non, non, non. Je dis non, mais j'en sais rien, quoi, parce que non, parce que si jamais, quand on est en Allemagne, on voyait que ça commence à verrouiller, les portes commencent à se verrouiller, on va rentrer dardard. Bon. Dardard sur 1200 km, bon, c'est pas évident non plus. C'est en voiture? Oui, on y va en voiture. Ouais, moi je veux pas prendre le train. Je me sentirais trop mal si tu veux. Je crains trop, quoi. Voilà, bon, j'ai besoin de me préserver, étant un petit peu fragile du point de vue santé, donc il faut que je fasse attention. Donc on y va en voiture, on part le 3, on va dans une charmante ville qui, paraît-il, est charmante tout du moins, qui s'appelle Schweinfurt, la ville oui. des cochons, où est mort ma belle-sœur. Elle est morte d'un cancer du foie et du coronavirus. Elle était à l'hôpital pour se faire soigner, son cancer, et elle a attrapé le corona. Bon, donc, tout ça, ça, voilà. Et donc, il faut qu'on débarrasse une maison. Oh, c'est une histoire. Un jour, je te raconterai, parce que ça, c'est un truc de fou. Des trucs de fou à l'allemande. Et tu t'aperçois vraiment que entre nos deux peuples, ben, y a quand même, c'est pas gagné, quoi. Il y a tout un... Voilà. Et c'est pour ça que si t'avais des... tu connais pas des gens sur la frontière là, qui puissent te dire si les Français sont les bienvenus en Allemagne et sous quelle forme? Non, j'ai... Bon. Moi, j'ai quelques amis ici à Strasbourg, mais pour savoir ce qui se passe entre l'Allemagne et ici, pas du tout. Bon. Pas du tout. Si jamais tu apprenais des choses, fais-les-moi savoir. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est, même sans avoir, sans connotation négative, c'est que la peur est toujours là. Ouais. C'est-à-dire que, comme l'écrivait Sartre, on est dans un moment où l'enfer, c'est encore les autres. ouais. Bon. Moi, pour le 13, en tout cas, moi, je pense que Christiane m'a proposé de l'accueil, donc ça devrait marcher. D'accord. Pour là-bas. Bon, pour la semaine qui suit, je ne sais pas encore, je vais lui poser la question. Mais c'est vrai qu'avec ces restrictions et ces reconfinements, en ce moment, elle a du mal, elle ne remplit pas ses maisons. Donc, c'est difficile à s'organiser, bien sûr. Ouais, ouais. C'est difficile. Bon, eh ben, mon ami, on va en rester là pour aujourd'hui. C'était des retrouvailles sympas. Je te remercie de ce bon moment en ta compagnie. Tu vas aiguiser ma... J'ai hâte de voir la suite du film. Voilà, je suis... Très, c'est bien, c'est super bien, c'est justement ça qu'il faut. Très curieux de voir comment les choses vont se passer et comment le jardin va se transformer de broussailles. Parce que ça aussi, j'y pensais à ça, il faudrait que tu aies quelqu'un là qui puisse l'entretenir un petit peu, quoi, parce que à chaque fois que tu vas venir... tu as pensé à ça, parce que c'est un peu compliqué ça. De revenir de façon épisodique et puis de retrouver des broussailles, à des broussaillers, t'avances pas, quoi. Mais partout. C'est-à-dire, partout où je vais, quand je reviens, c'est toujours les broussailles. Pourquoi? Parce que les broussailles font peur et que donc les autres n'ont pas envie d'y revenir. Que ça soit au bord du lac Léman ou que ça soit à la maison de Bretagne, quand tu arrives le premier, forcément, bah, tu débroussailles, quoi. Voilà. Bon, et par contre, bah, on retrouve dans les broussailles, c'est ce qu'on a trouvé en rentrant à Strasbourg, dans le jardin, bah, on a trouvé des potirons, des tomates, des salades, des... Ouais. Bon, mais on reconnaît quand même que c'est un petit obstacle vers le merveilleux, quoi. Et ça serait bien si tu trouvais 3 ou 4, puisque il faut peut-être ça, âmes charitables... pour entretenir le terrain une fois qu'il a été mise à nu, quoi. Non, je sais pas. Oui. Et je pense qu'il va y en avoir, ne serait-ce que, bon, dans les, je dirais pas dans les prochains jours, mais ne serait-ce que à partir du 13, où je vais demander déjà, comme il me l'a proposé, à Stéphane, je vais lui envoyer un petit carton, même plusieurs, à mettre sur la grille, là-bas, disant que le 13, il y a une réunion, justement, là-dessus. C'est très bien, un débat. Ça. C'est très bien. Tu vas avec ton violoncelle ? Ah non, c'est peu probable. Je pense que je serai en train. Ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas dit. Enfin, je dis c'est peu probable, mais tout aussi bien, ça sera le cas. Je sais pas. Bon. J'attends l'inspiration là-dessus. Le violoncelle et la SNCF, c'est pas facile. Non. Mais je pense que sur place, ça peut être un atout. Mais c'est possible parce que Sylvie m'a dit tiens, moi, si tu vas sur la Bretagne à ce moment-là, je viendrai bien. Si tu vas en voiture, tu me déposes à Paris pour voir mes parents au passage. Enfin, il y a quelque chose à monter. D'accord. Voilà. Bon. Et donc, mais si je ferais bien s'il y avait du violoncelle, parce que c'est quand même un atout maître, ça. Ah. Oui, non, mais je pense que dès que tu vas créer quelque chose, et puis le violoncelle, c'est quand même un instrument, c'est à mon sens l'instrument qui est le plus proche de la voix de l'homme. Voilà. C'est ça. Et dans ces tessitures-là, et avec une musique adaptée qui donne envie et qui sublime certains moments, eh bien, ça peut être utile. Ça peut être utile. Tout à fait. Bon, allez. Au plaisir. Je te souhaite. C'était très chouette. Hein. On a bien construit, on a bien remis les choses en route. Ouais, ben c'est sympa. Tu prends du plaisir et moi aussi. Voilà. Bon. Maintenant, on va tâcher de transmettre ça à la postérité en essayant de faire des enregistrements qui tiennent un peu la route. Ça, c'est compliqué. Alors, j'ai acheté un engin qui est pas mal. Et une sorte de micro-cravate qui enregistre tout. Mais bon, on va voir. Allez, je te laisse. Bon courage à vous deux. Et puis, passez plein de bon temps. Hein. Salut. À bientôt. Ciao. Salut.